pas mes clés, viens m'ouvrir. Dépêche-toi, j'ai envie de vomir. Vite, sinon je vais tout salir. Vite, ma nausée empire. Vite, ma nausée empire. Trop tard, je vomis de dégoût. Aussi l'agneau en ragoût. La viande sort en petits bouts. Et se plante sur paillasson roux. Et se plante sur paillasson roux. Je pense à toi, mon ventre se serre. T'as eu une plaie, un ulcère. Je te rends tout ma sorcière. Moi je te la fais pas à l'envers. Moi je te la fais pas à l'envers. Moi je te la fais pas à l'envers. Moi je te la fais pas à l'envers. Tu peux vérifier, tout y est. Même l'entrée n'est pas digérée. Vois les œufs ont été gobés par moitié. Tu pourras les resservir au souper. Tu pourras les resservir au souper. Il y avait même des feuilles de laitue. Je les ai vomies toutes crues. En fait, tout a été cru. Et se retrouve dans la rue. Et se retrouve dans ta rue. Je pense à toi, mon ventre se serre. T'es une plaie, un ulcère. Je te rends tout ma sorcière. Moi, je te la fais pas à l'envers. Moi, je te la fais pas à l'envers. Moi, je te la fais pas à l'envers. Moi, je te la fais pas à l'envers. Maintenant il sort des souvenirs. Regarde même se mettre à mentir. Je vomis des couchers de soleil. Est-ce vraiment le soleil? Le soleil. Je pense à toi, mon ventre se serre. T'es une plaie, un ulcère. Je te rends tout ma sorcière. Moi je te la fais pas à l'envers. Moi je te la fais pas à l'envers. Moi je te la fais pas à l'envers.